Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment ça va? Prêt? Ça va et toi? Très bien, très Prêt. bien. C'est le 11e live de Beauté Imaginée ce soir. J'espère que nos auditeurs seront au rendez-vous. En attendant, je te propose de J'espère. commencer mon introduction, le temps Pas de que les premiers auditeurs se connectent. Ça te va? très bien, pas de soucis. Eh bien, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Et si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors, comme on a commencé quelques minutes avant le 20h45, peut-être que ça prend un peu de temps. Je vois qu'il y a pour l'instant personne. Tu étais pressé, peut-être tu as Ah non, pas lancé du tout. le. C'est la première fois que tu fais un podcast? Oui, tout à fait. D'accord, Tout à ok. fait. C'est ma Eh bah. première fois. ben. Eh ben, super. On attend qu'il y ait au moins un auditeur ou deux avant de se lancer. On a un premier auditeur qui vient de nous rejoindre. Salut Samantha. Merci de nous rejoindre ce soir. On attend une deuxième personne et allez hop, ça sera parti pour ce Merci à 11e moi. live avec Louis. Et donc, nous avons qui nous a rejoint à l'instant, Fabien. Salut Fabien. Eh bien donc, aujourd'hui, je suis ravie car j'interviewe dans Beauté Imaginée mon premier artiste. Voilà, on vous retrouve pour parler avec mon invité Louis de son activité de make-up artiste. Louis, on peut dire que le maquillage, c'est une passion pour toi. Voilà, c'est une passion depuis pas mal d'années. Tout à fait. Ouais, tu vas nous en dire un peu plus. De mon côté, je suis ravie parce que hier, ma chaîne stéréo a dépassé les 100 abonnés. Donc ça m'a Je fait viens de vraiment voir très ça à plaisir. l'instant sur ta Ah. page Instagram. Bah, en tout cas, ouais, je suis vraiment super contente et puis j'espère que les auditeurs apprennent des choses dans mes Félicitations en tout cas. podcasts. Bah, merci beaucoup. J'ai publié du coup, c'est ça que tu as dû voir sur Instagram, ma photo mystérieuse Ouais, à moi à cette j'ai vu ça tout occasion. à l'heure sur Instagram, ouais. Et du coup, Louis, on va pouvoir parler de tout ce qui est maquillage et de ton parcours, etc. Et chers auditeurs, c'est le moment, si vous avez des questions make-up, hein, c'est le moment, profitez-en pour les poser à Louis. D'ailleurs, Louis, tu as un compte Instagram super actif et créatif. Est-ce que Tout tu peux à dire à nos fait. auditeurs ton pseudo? C'est quoi Alors, ton c'est pseudo du coup? @parisian, PARISIAN, tiré du bas, world, WORLD. Ok, top. Alors, on a une intervention de Astrée. Salut Astrée. Bravo pour les 100 abonnés, c'est bien. C'est que le début. J'espère. Merci Astrée. Il n'y a Alors, pas de bah, raison que on ça va n'augmente pas. commencer. C'est vrai, tout à fait. On va continuer comme ça. On va parler donc de ta passion pour le maquillage, oui. Quand as-tu Tout utilisé, à toi, du maquillage pour la première fois? fait. Bah, un peu comme tout le monde, je pense, à 14-15 ans pour cacher des petites imperfections, des petits boutons. Et j'ai vraiment D'accord. commencé à me maquiller entièrement le visage. C'est-à-dire fond de teint, fard à paupières, etc., vers 15, vers 17, 16-17 ans à peu près. D'accord. Chers auditeurs, dites-nous à quel âge vous avez commencé à vous maquiller la première fois. Bah, tu vois, toi, tu évoques le teint. Tu as tout de suite eu, du coup, peut-être un regard professionnel parce qu'on dit que c'est le teint qui permet un beau maquillage. Moi, pour ma part, je me suis tout de suite concentrée sur les yeux. Tu vois, à l'adolescence, c'était ça. C'est ce par quoi j'ai commencé. Mais du coup, ouais, Moi, c'était ça. plus vraiment pour camoufler les petits boutons et les petites imperfections. Ouais, je vois, je vois. D'accord. Et pour devenir make-up artiste, tu as appris comment? Alors, bah, du coup, moi, j'ai appris en tant qu'autodidacte, donc en maquillant à droite, à gauche des copines et en regardant Ouais. beaucoup de vidéos sur YouTube et compagnie et en discutant avec des gens directement du métier, des photographes, etc. Et au Ah, fur et à d'accord. mesure, j'ai fait pas mal de shooting photo et après, je me suis lancé là-dedans à 200%. Voilà. D'accord. Ok, alors on a Juliette et Astrée qui interviennent. Salut Juliette! Bonjour à tous. Moi, personnellement, je me suis maquillée assez tard. J'ai commencé à 16, 16, 17 ans, je crois. D'accord. À peu près comme moi. Je Ouais. pense que j'ai commencé à me maquiller en cinquième, donc vers 12 ans, mais juste du mascara. Ah ouais. Ah D'accord. bah, coquette, Astrée, coquette. Et Louis, du coup, à quels événements on fait appel à toi aujourd'hui? Tu as évoqué les shootings photos. Alors, oui, tout à fait. Alors, à quels événements en général, c'est tout ce qui est shooting photo, mariage. Ah Ça m'est oui. arrivé de faire un ou deux plateaux télé ou sinon des défilés, ouais, Ah. c'est pas mal. Ah ouais. Ah, alors, est-ce que du coup, la technique diffère beaucoup? Par exemple, le plateau télé, c'était une ambiance, comment ça s'est Ouais, passé? alors le plateau télé, c'est un maquillage par exemple du teint qui est un peu plus complexe parce que c'est avec des lumières de télé, donc c'est des lumières qui sont très blanches, donc il y a moins d'imperfections se D'accord. voient. Et sinon, Ah, après, des maquillages pour d'accord. des shootings photos, ça va être des maquillages qui vont être un petit peu plus légers ou avec la lumière naturelle, le maquillage, enfin, l'aspect sera assez joli. Ah ouais, d'accord. Ok. Et au niveau de l'ambiance sur le plateau télé, enfin, est-ce que tu as moins de temps peut-être? Tu es un peu Ah oui, plus ça, c'est très chronométré? chronométré, voilà, tout à fait. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Et Oui, donc là, t'as une on est dans de demi-heure pour maquiller l'efficace. deux personnes. Voilà, tout Ah à ouais, ok. fait. Astrée? Coquette, non, puisque j'ai commencé à 12 ans avec le mascara et aujourd'hui, c'est toujours du mascara. Ah, d'accord. Précoce, et puis après, elle s'est calmée direct. Salut Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre, merci de nous Bonjour. rejoindre. Ta marque de. Non, pardon, je voulais d'abord te demander les types de maquillage que toi tu préfères réaliser. Alors moi, ce que je préfère réaliser, c'est tout ce qui va être maquillage de soirée, transformation et tout ce qui va être en studio photo. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, donc c'est assez large quand même. Là, tu as une Ouais. palette assez large. D'accord. Et ta marque de maquillage préférée, ce serait quoi? Alors, ma marque de maquillage préférée, alors pour tout ce qui va être du fard à paupières, ça va être Anastasia Beverly, que j'aime beaucoup parce que les fards sont très D'accord. pigmentés. Tout ce qui Ah va ouais, être je rouge à connais pas. lèvres, ça va être par exemple Huda Beauty, que j'aime beaucoup également. D'accord. Et pour le skincare, donc tout ce qui va être crème hydratante et base, ça va être Embryolisse. D'accord. Tu as mis beaucoup de temps à découvrir ces marques et à vraiment trouver les marques qui te correspondaient. À trouver, c'est surtout à trouver les bons produits qui marchent avec ce que je Oui. fais. Voilà, tout à Ah fait. ouais. D'accord. Oui, parce que finalement, c'est rarement. Oui, là, tu as cité plusieurs marques, donc on voit que tu ne peux pas te contenter d'une seule. Chacune a ses Non, points oui, c'est forts. très compliqué en tant que maquilleur d'utiliser qu'une seule marque. Ah ouais, Il d'accord. y en Oui, a qui c'est le font, ça. mais c'est très compliqué. Oui, à moins d'être salarié de la marque, en fait, en général, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Exactement, voilà, tout à Ah fait. ouais, Tout à fait. d'accord. Et du coup, ton compte Instagram est très suivi et tu postes régulièrement dessus. Tu as combien d'abonnés là? Alors, je ne saurais pas te dire exactement. Je suis à un peu plus de 1000 abonnés. Je Ah ouais. suis à. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Je suis à 1371 abonnés. Ah ouais, bon score. Et t'as commencé il y a combien de temps? Alors, le maquillage à proprement parler, il y a à peu près 8 ans. Et mon Instagram, il y a 5-6 ans, j'ai vraiment commencé à le D'accord. développer. D'accord. Ok. Et finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce compte L'envie de Instagram? partager, vraiment l'envie de partager ma passion et de montrer mon évolution aux gens, en fait. Ouais, d'accord. Alors, on a Astrée qui intervient encore. 1371 abonnés, pas mal, hein, je viens de voir aussi. Et Ah. les maquillages sont bien faits, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Et oui, allez voir le compte Instagram Parisian World, du coup, de Louis. C'est vrai qu'il y a des sacrés exploits. En général, ça te prend à peu près combien de temps de réaliser un maquillage complet, comme on peut voir? Pour un maquillage complet, entre 45 minutes et 1 h 30. Ça dépend vraiment de la complexité D'accord. du maquillage. Ouais, d'accord. Le plus long que tu aies réalisé, Le plus enfin, long que ça j'ai t'avait pris combien réalisé, de temps? alors il est sur mon Instagram d'ailleurs, c'est les deux mains qui sont sur mon visage, deux mains que j'ai dessinées sur mon visage. Ça m'a pris en tout 3 heures, 3 heures et quart, Ah là à peu là. près. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il fallait Ah, dessiner à l'envers sur son visage devant un miroir et c'était très oh, ah compliqué. oui. Ah, faudrait que j'aille le revoir celui-là. Ah ouais, plus de 3 heures, bah oui, j'imagine. Tu t'as dû t'y reprendre à plusieurs fois. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et puis j'ai recommencé plusieurs fois les mains que j'avais fait sur mon visage et Ah ouais. j'étais pas satisfait, du coup je Ah ouais, recommençais d'accord. Et en général, comment tu trouves ton inspiration pour tes posts au quotidien? à chaque fois. Alors bah principalement sur Instagram, je regarde beaucoup de gros maquilleurs qui sont très connus et je m'inspire de ce qu'ils font en général. Ah ouais, d'accord. Tu peux nous en citer, c'est quel maquilleur que t'aimes Bah bien? ouais, il y en a des assez simples, genre Niki Tutorials, Marion Caméléon, James Charles. Il y a D'accord. pas mal de... Sur Instagram, il y a une très grosse communauté dans le maquillage, donc c'est pas Oui. les inspirations qui manquent. Ah ouais. C'est Instagram, oui, là, le réseau qui s'y prête le mieux ensuite. Enfin, je pense à Pinterest, par exemple. Ouais, C'est tout pas. à fait. Non, ça serait vraiment Pinterest, Instagram. c'est moins développé au niveau du maquillage, c'est plus, ouais, Instagram, c'est vraiment très très développé sur la communauté beauté make-up, en tout cas. D'accord. Et t'as déjà pensé à faire des tutos sur YouTube, par Je me exemple? sens pas assez à l'aise pour être devant une caméra, Oui. justement, pour faire des tutos. D'accord. Ouais, d'accord. Oui, puis oui, c'est vrai qu'il y a une pression de devoir. Enfin, non, cela dit, tu peux faire des montages, etc. Hein, c'est pas du live Oui, sur ah oui, YouTube, non, par mais tout à fait, exemple. mais c'est, ouais, c'est pas, je pense que c'est vraiment par peur de la caméra. D'accord, oui, d'accord. Ah, peut-être plus tard, qui sait. Oui, qui Et sait, on sait pas, on sait jamais. c'est ça, l'avenir est long. Et à quelle Tout à fréquence fait. tu postes? Est-ce que tu t'imposes une fréquence pour Alors, maintenir une certaine à une époque, je activité? m'imposais. Alors, oui, à tout à fait. Alors, à une époque, je m'imposais une fréquence. Je faisais un poste par semaine. Et bah, depuis le confinement, enfin, depuis le premier confinement, c'est vrai que j'ai été beaucoup moins régulier. Mais je compte reprendre D'accord. prochainement un poste Ouais. par semaine. D'accord. Ok, bon, bah, super. Alors là, je vais passer à mes questions classiques, entre guillemets, de beauté imaginée. Parfait. Déjà, est-ce que tu pourrais nous faire rire peut-être avec une grosse erreur que tu aurais faite en utilisant mal un produit de beauté? Est-ce que tu as une anecdote à ce Oh bah, sujet? une anecdote, oui, un fond de teint trop foncé utilisé sur une Ah, cliente qui est repartie oui. très contente, mais la démarcation, vous voyez, Ah ça mince, m'est déjà arrivé. d'accord. Ah ouais. Eh ben oui, tout le monde, comme quoi, ça, enfin, c'est bien pour nos auditeurs de savoir qu'on peut Parce que toujours des se fois, en fait, avec tromper. les lumières des magasins, c'est très compliqué de réussir à trouver la bonne teinte. Ah ouais, d'accord. À D'accord. l'époque, c'était même, pour te citer la marque, c'était même chez Kiko que j'ai fait cette erreur-là. Enfin, quand elle D'accord. est sortie dehors, on voyait vraiment la démarcation orange, quoi. C'était pas Ah, parce qu'en beau. fait, c'était dans un centre commercial, par exemple, enfin, il n'y avait pas de lumière naturelle, c'est C'était ça? rue des Francs-Bourgeois à l'époque. La boutique a fermé, mais c'était une toute petite D'accord. boutique. On voit, enfin, c'était pas du tout lumineuse. Ah, ok. Ah ouais, donc ouais, ça se prêtait pas très bien finalement, c'était le paradoxe. C'est ça. Et aujourd'hui, là, si tu avais un produit de maquillage incontournable à emporter, ce serait lequel? Alors, mon crayon à sourcils. Ah. D'accord. Et tu peux nous dire un peu la marque, enfin celui que tu choisis. Bah, c'est un Yves Rocher que j'utilise et qui est très très bien et D'accord. qui me va depuis des années et que je trouve très bien. Et en fait, je choisis les sourcils parce que pour moi, c'est ce qui structure le visage. Ah, d'accord. Justement, j'allais te demander si tu devais la conseiller quelqu'un qui, par exemple, on a eu Astrée qui nous a dit qu'elle n'appliquait que du mascara. Quel conseil tu pourrais lui donner, donc quelqu'un qui est plutôt sur des basiques, enfin des maquillages simples, ce serait quoi un Des conseil? maquillages, bah, c'est pareil, du mascara, un petit peu d'anti-cerne et un petit produit pour les sourcils et un rouge à lèvres ou un gloss. Pour moi, c'est D'accord, les basiques, entre guillemets. si tu dois faire un maquillage simple à une cliente, tu vas automatiquement faire ces zones-là. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, Astrée, Alors justement. moi j'ai une question, est-ce que tu préfères te maquiller toi ou maquiller les autres? Ah ouais, Ah bah intéressant. C'est une bonne question. Et ben, du coup, je Ah, préfère me maquiller les autres, pardon. d'accord. Ok. Et Oui, c'est plus agréable. Enfin, c'est moins compliqué parce qu'en fait, quand tu te maquilles toi, tu as le miroir en face de toi. Donc, les choses sont un peu inversées. Oui, c'est vrai. Oui, Alors que puis en quand tu plus, tu dois maquilles les fermer autres, un œil et tu tout vois ça. réellement ce que tu fais. Ouais. Ouais, Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, enfin, je me trompe peut-être, mais il n'y a que toi sur ton compte Instagram ou tu as Ah non, il n'y a déjà. pas que moi, il y a Ah, pas mal d'accord. de photos. Il y a aussi des photos de modèles que j'ai maquillées. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas assez remonté alors. D'accord. Et est-ce que c'est arrivé qu'une cliente te demande de lui faire un maquillage qu'elle avait vu sur son Insta? Oui, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Donc c'est aussi un peu comme Ah oui, ça comment dire c'est assez récurrent d'ailleurs de voir D'accord. des gens qui viennent vers moi et me disent, ah, j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est possible sur mon visage, Ah etc. ouais. C'est un Ça peu comme un m'arrive book assez régulièrement. finalement. Voilà, Ouais, tout à tu peux fait, t'en tout à fait. servir professionnellement, c'est un vrai atout quoi d'avoir Exactement. toutes les photos Exactement. recensées. Alors, chers auditeurs, c'est le moment de deviner de votre côté. Alors, on aimerait que vous deviniez l'âge de Louis ce soir. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que l'histoire de Louis, entre guillemets, vous a inspiré? En général, Louis, on te donne plus ou moins? En général, on ne donne plus. D'accord. Ok. On va voir si ta voix seule laisse la même impression. J'espère, Alors, j'espère. on a une première. Personne qui devine, c'est Juliette. Merci Je Juliette. pense qu'il a la trentaine, parce qu'il a l'air assez mature en même temps jeune encore. Et Astrée? Je pense que Louis a. Alors il a dit que ça faisait 5 ans qu'il mettait des photos sur Instagram. Je dirais qu'il a 26 ans. 26 Ah, ans. pas mal. Et Marine? Salut, alors moi j'étais pas là depuis le début, mais à la voix de Louis, je dirais qu'il a entre 25 et peut-être 30 ans, mais j'ai l'impression que 30 ans c'est trop. Alors je vais dire autour de 25 ans. D'accord, plutôt 25. Alors, éclaire-nous, Parisian Et World. donc la réponse était 27. Donc j'ai 27 ans. Ah ouais. Ah donc Bientôt 27. elles étaient pas mal. Ok. Oui, Est-ce tout que à vous fait. pouvez maintenant deviner le temps que Louis passe dans sa salle de bain le matin? Donc, avec la douche, la préparation, l'éventuel maquillage des sourcils, les soins, bien sûr, pour Oui. le visage. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que Louis passe beaucoup de temps? Bon, on a entendu que pour faire un Avec un gros maquillage, c'est maquillage ou long. sans un gros maquillage? Là, on va prendre une journée classique, tu vois, si tu dois aller Oui, donc travailler. sans gros maquillage. D'accord, Exactement, ouais, voilà. Pas ok. quand tu vas poster ensuite sur Oui, Instagram. d'accord. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs vont nous Si on compte proposer? tout avec la douche, le maquillage, tout ça, ça m'étonnerait pas Ouais. qu'il passe au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais, 1 heure. Ah ouais, d'accord. Donc Juliette, ouais, voix grand entre guillemets, Je pense qu'en Astrée. temps normal, enfin sans se maquiller, sans faire un maquillage complet comme il y a sur son Instagram, je dirais qu'il met 40 minutes et du coup avec le maquillage, je dirais 1h40. Waouh. Alors, C'est Louis, précis. éclaire-nous. Ouais, c'est clair. Éclaire-nous. Non, moi je mets, alors en temps normal sans gros maquillage, je mets à peu près 45 minutes. Donc j'étais à peu près dans les bons Non, timings. d'accord. Ok. Et pour Alors, avec un gros pendant. Ouais. maquillage, oui, ça peut aller jusqu'à 2 heures à peu près. Ah ouais, bah ouais. Et pour sortir au quotidien, ça t'arrive souvent, du coup, de faire D'avoir un un gros gros maquillage sur moi, non. maquillage? Non. C'est d'accord, Non, c'est non, vraiment pour ça quotidiennement. m'arrive très, très rarement. C'est vraiment quand je fais des choses artistiques. Dans la vie de tous les Oui. jours, je me maquille très classiquement. C'est les sourcils, un peu de mascara, le teint un petit peu, et puis c'est tout. Ouais, Voilà. C'est d'accord. On reste sobre au quotidien. ça. Pendant que je poste sur Instagram ta photo mystérieuse, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes autres hobbies éventuellement, Louis? D'accord, bah du coup je suis maquilleur professionnel, donc maintenant à mon compte depuis quelques mois maintenant, et je suis D'accord. également prothésiste ongulaire. Ah oui, d'accord. Ok, donc. double activité. Voilà, tout Et à fait. Du coup, j'ai fait ma formation de prothésiste ongulaire il y a en novembre-décembre. Et du coup, là, je vais lancer mon activité dans les prochains mois dans la prothèse. d'accord, top. Et ça, j'ai vu que tu avais justement sur ton compte Instagram certaines photos avec les ongles mis en avant. Donc là, ça complète les tenues C'est ça, voilà, c'est pour artistiques. compléter l'offre. Tout Ouais, à fait. d'accord. Alors, direction mon Instagram Beauté Imaginée, chers auditeurs, pour découvrir la photo que Louis a bien voulu partager avec nous ce soir, ainsi que la photo de ses produits de maquillage. On passe à la rubrique des 3 belles minutes scientifiques. Hier, en fait, mon invitée Sophie m'a proposé de faire un point sur le sélénium. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Louis. Pas du tout. Ça Alors, il me dit s'agit. vaguement quelque Ouais. chose, mais Ouais, je vois pas ça fait trop. écho, mais il s'agit en fait d'un oligo-élément qui est essentiel à notre corps. On peut le prendre en supplémentation, en complément alimentaire. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un oligo-élément? C'est un petit nutriment minéral qui est nécessaire et utile à l'organisme tant qu'il est apporté en petite quantité par l'alimentation, en fait. Donc, les oligo-éléments dits essentiels, c'est ceux pour lesquels un trop-plein ou un déficit va entraîner des troubles. Par exemple, il y a le fer, l'iode, le sélénium aussi. Donc, ce fameux sélénium auquel on s'intéresse ce soir, il va aider à lutter contre les radicaux libres dans notre corps. Les radicaux libres, c'est un peu des agresseurs de nos cellules. Je fais un petit rappel sur les radicaux libres. On en parle beaucoup pour tout ce qui est vieillissement de la peau. En fait, ce sont des produits qui sont créés lorsque nos cellules se scindent lors des réactions de transformation des nutriments qu'on ingère, qu'on mange. Par exemple, quand on mange voilà, lipides, glucides, etc., ils sont transformés en énergie. Et à ce moment-là, des radicaux libres sont créés. Ça résulte de la transformation chimique. Donc un radical libre, c'est D'accord. un fragment finalement qui est obtenu lorsqu'une molécule se scinde en deux. Et en fait, il va devenir c'est une molécule qui est un peu instable chimiquement parce qu'elle va essayer de s'associer à d'autres molécules, soit des molécules extérieures, et là c'est positif parce que c'est une défense immunitaire. Donc si on a des radicaux libres, voilà, dans la peau, ils vont pouvoir absorber des éléments pathogènes ou des extérieurs en tout cas, et donc là ça va être positif pour nous. Par contre, quand ils essayent de s'accrocher entre guillemets à des cellules de notre corps, là c'est un problème parce que ils vont du coup créer ce vieillissement cutané en s'associant à ces cellules. Ils peuvent un peu abîmer ces cellules, alors que souvent c'est les cellules par exemple qui rendent la peau élastique, ou ils vont aussi abîmer les protéines du derme ou encore les lipides de la peau, et donc tout ça va amplifier le vieillissement cutané naturel. Bon, c'est un processus naturel hein, de toute façon, mais on peut le ralentir en prenant du coup des antioxydants et notamment le sélénium qui va aider à neutraliser ces molécules instables. Il va s'accrocher le sélénium aux radicaux libres et comme ça, ces radicaux libres ne pourront plus faire de lésions avec les cellules de notre peau. Voilà pour le D'accord. sélénium. Et nous avons une intervention de Juliette. Je viens de regarder la photo sur Instagram. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur les cils. Parce que moi, justement, quand je mets du mascara, j'ai l'impression que mes cils font quand même 1 mm. Alors là, tu parles de la dernière. Il me semble que la photo en plus, j'ai des fossiles dessus, donc c'est normal. Ah bah oui, oui. Ça serait l'astuce suprême en fait. Exactement. D'accord. En maquillage, justement, on apprend très facilement à tricher pour justement combler des complexes qu'on Oui, pourrait plus ou moins avoir. ouais, d'accord. Oui, on pense notamment au contouring, par exemple. C'est vrai Le que ça contouring, va aider. exactement. Après, il existe aussi plein plein d'autres choses. Enfin, il y a des prothèses qui existent. Maintenant, il y a des choses qui se font qui sont vraiment très très Ah, bien. des prothèses, Ouais. par exemple, qui Par servent à exemple, pour créer. des augmentations de pommettes, ça existe. Ah oui. C'est Sans parler assez de chirurgie particulier. esthétique. Sans parler de chirurgie esthétique, tout à fait. D'accord, C'est de ça la va se procédure, c'est une poser. prothèse en silicone, en fait. Ah, et on va maquiller par-dessus. Et on maquille C'est par-dessus ça. pour flouter tout justement et donner Ah. vraiment ça fait chirurgie. Ah oui. D'accord. Ah bah ouais, bien. C'est tout un Ça se fait beaucoup univers. dans les maquillages de science-fiction. Ah oui, je vois. D'accord. Alors, je te propose de passer à la rubrique vrai-faux, Louis, et de tester tes Ah. connaissances et celles des auditeurs en matière de maquillage. Alors, sachant que tu n'es pas censé tout savoir, hein, ton talent et ton expertise, on l'a vu, c'est avant tout au niveau de ta pratique du maquillage. Et moi, Tout j'aime à bien fait, mettre tout à fait. des petits pièges dans mon quiz. Donc, pas de pression, hein, le but, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Pas de C'est problème, il n'y a parti, pas du de souci. coup, pour 8 questions. Quelle note tu vises, du coup, sur 8? Bah, on va viser le parfait, mais bon, sinon, allez, c'est un petit D'accord, tu seras satisfait à partir de 5. 5. Chers auditeurs, n'hésitez pas à participer, à nous proposer vos réponses aussi. Les premiers maquillages dateraient de l'Égypte antique. Vrai ou faux, Louis? L'Égypte antique. Oui, vrai, je dirais vrai. Tu penses que c'est Même vrai? si ce n'est peut-être un peu avant, mais Pourquoi pas? l'Égypte antique, oui, je pense qu'il y a, le colle qu'on utilise, donc ouais, je pense. D'accord. Alors, on va voir. Est-ce que tu peux jouer le commentaire, s'il te plaît, Ouais, qui vient de nous être alors, je proposé? dirais vrai, et si jamais c'est faux, je pense que c'est encore plus ancien. Ah bah oui, comme Voilà, toi, comme ce Louis, que du coup. j'ai Ça m'étonnerait pas avec Cléopâtre. J'ai l'impression qu'elle était toujours surmaquillée. en fait. Ah, ouais. Alors, bah, ça c'est que moi j'ai, alors là-dessus je sais quelque chose, c'est que le colle Ouais. est utilisé justement dans les pays où il y a du désert, justement pour éviter les grains de sable dans les yeux. Ah, d'accord, ça va être un peu un filtre. C'est ça, tout à fait. D'accord. Eh C'est à bien, la base comme ça révélation. que le colle a existé. D'accord. Eh bien, justement, cette affirmation était vraie, bien jouée. Donc, vers 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens déjà se maquillaient. Ils auraient notamment inventé justement ce colle dont tu viens de nous parler. Et je voulais savoir si toi, c'est un produit que tu utilises souvent pour les yeux. Ah oui, quasiment, Ouais. quasiment à chaque, quand c'est un maquillage de soirée, quasiment à chaque fois. Ah, d'accord. Ah, ouais, ok. Pour justement réintensifier, donner plus d'intensité au regard. D'accord. Plutôt en dessous de l'œil, du coup? Ah oui, en muqueuse interne de l'œil. D'accord. Ok. Deuxième affirmation. Le maquillage peut rendre la peau plus grasse. Vrai ou faux, Louis? Je pense que c'est faux parce que le maquillage, c'est ça, enfin, on l'enlève à chaque le soir. Normalement, si on traite bien sa peau, on n'est pas censé avoir de plus avec le maquillage, selon moi. D'accord. Ça, oui, ça se tient. On a Astrée qui va J'ai une question pas participer. en rapport avec le vrai faux, mais est-ce que ça t'est arrivé de refaire un maquillage que t'as fait par exemple il y a 5 ans et du coup que tu ferais peut-être mieux aujourd'hui puisque t'as progressé? Oui, ça m'est Ah! déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et en général, on voit l'évolution justement du maquillage. Ah C'est ouais! assez perturbant des fois à voir. Ah ouais, d'accord. Ah oui, et tu te dis, ah mince, enfin, tant mieux en fait. On voit l'amélioration de la technique, Ouais. c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Ah, bonne question, Astrid, pertinent. On a Marine. Alors moi, au début, j'aurais plutôt dit vrai, mais vu la réponse de Louis, je triche un peu, je sais pas si j'ai le droit. Je dirais faux du coup, parce que je pense qu'il s'y connaît mieux que moi. A priori, Louis s'y connaît mieux, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que sur Après, j'ai pas la ce science infuse, point-là, hein. voilà, je prépare le terrain parce que malheureusement, c'était vrai. Le maquillage peut rendre la peau plus grasse. Il peut, pas systématiquement, mais tu vois, c'était ça la nuance, on va dire. En fait, lorsqu'on utilise des produits très épais au niveau des fonds de teint notamment, ils peuvent Les boucher les produits pores. cubiques, ouais, tout à Ouais, fait. en les recouvrant pour donner un effet visuel lisse, du coup, c'est le principe du fond de teint. Et quand un pore est bouché, le sébum est bloqué en dessous et ne sort plus. Et la peau, par réaction, va sécréter encore plus de sébum, donc de gras. Donc, c'est d'autant plus le cas, tu as évoqué le nettoyage. Si on se C'est ça. démaquille pas bien le visage, il y a un risque de Ah, rendre, pourquoi pas, la peau plus le grasse. démaquillage, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'à chaque Ah oui. fois, à Ouais. chaque client, je leur dis, vous vous démaquillez bien le visage et vous faites un gommage après. Parce que c'est des Ah, maquillages qui sont très occlusifs. oui. Et par exemple, des maquillages de studio, des fonds de teint sont très épais. On utilise des bases siliconées pour le visage. Donc, ça va D'accord. venir flouter, donner un effet de police. Mais par D'accord. contre, ça va boucher les pores de la peau. C'est pas forcément Ah, d'accord. recommandé pour la santé de la peau. à fait. Oui, je vois. Donc, du coup, carrément un gommage dans ces cas-là. Ben, oui, un nettoyage déjà avec complet avec de l'huile ou une huile démaquillante, et puis après un gommage justement pour enlever encore tous les résidus. D'accord. Ah ouais, je vois. Et du coup, pour une peau à tendance grasse, on peut conseiller d'utiliser un fond de teint dit non comédogène. Ça nous fait Tout à arriver fait. à la troisième affirmation. Un produit non comédogène va éviter de bloquer les pores de la peau et va éviter une accumulation de sueur en fait à la surface de la peau, puisque c'est la sueur qui donne un côté brillant à la peau grasse. Vrai ou faux selon toi? Tu peux répéter la question? Ouais, elle était un peu longue là. Excuse-moi. Donc, je n'ai pas de problème. Je disais qu'une peau à tendance grasse, on va conseiller d'utiliser donc un fond de teint non comédogène. Et l'affirmation, c'est la suivante. Un produit non comédogène va éviter de bloquer les pores de la peau et va éviter une accumulation de sueur à la surface de la peau. Parce que c'est la sueur qui donne ce Non, c'est pas côté la sueur. Je dirais faux. brillant. Donc, non, c'est pas la sueur. C'est pas la Faux. sueur. D'accord. Non, Donc c'est le pour sébum. toi. Ok, donc pour toi c'est faux. Ouais, tout à fait. Est-ce que Astrée et Juliette sont d'accord? Moi je pense que c'est faux. Alors Astrée est d'accord avec toi et Juliette? Moi je pense que c'est vrai. Ah, Juliette pense que c'est définitivement. la sueur qui fait briller. Bon bah bien joué Louis, tout à fait. C'est bien le sébum qui fait briller la peau grasse. Parallèlement, toute peau qui transpire brille Oui, ah temporairement. oui, C'est tout vrai à que la fait. sueur, voilà, ça donne. Mais c'est pour ça qu'il y a c'est un peu le piège. Petit Ouais. rappel, petit rappel. La peau, en fait, a une protection naturelle à sa surface. C'est le film hydrolipidique. Il est constitué d'eau. C'est le côté hydro, donc c'est la sueur en effet, et de gras, ça c'est le côté lipidique, le terme lipidique, c'est le sébum. Et quand on a trop de sébum, on a une peau de type grasse. Quand on n'a pas assez de sébum, on a à l'inverse une peau de type sèche. Et nous avons Noëlla. Salut Noëlla! Moi, je pense que c'est faux, un produit non comédogène. Il me semble que c'est un produit justement qui ne donne pas de boutons. Eh bien, en effet, tout à Tout à fait. fait, ça C'est donne pas de boutons. un Ok. produit qui, en fait, le comédon, c'est le pore de ta peau par lequel s'écoule le sébum, qui est produit en dessous par les glandes sébacées. Donc, non comédogène, ça veut dire que ça va pas créer une accumulation de sébum dans le comédon, dans le pore. Donc, exactement, c'était faux. Bien joué, Noëlla. Quatrième affirmation. Donc, pour l'instant, on est à deux bonnes réponses, lui, et une erreur. Ah. Le maquillage tient moins bien sur une peau grasse. Vrai ou faux? Tiens moins bien sur une peau grasse, je dirais vrai. D'accord, pour Je toi dirais. c'est vrai, tu l'as déjà Bah, constaté. les matières ont tendance plus facilement à bouger au cours de la Ah journée. oui. Ah oui, d'accord, sur le long terme du coup. Ok, C'est on ça, va tout à voir fait. si... Sur l'instant T, pas forcément, mais c'est vrai qu'au niveau du reste de la journée, ça va avoir tendance à bouger plus facilement sur une peau grasse que sur une peau. Enfin, moi, c'est ce D'accord. que j'ai remarqué en tant que maquilleur. Ouais, d'accord. Eh bien, on va savoir dans un instant si Je pense que la c'est théorie est faux. pareille. À mon avis, il n'y a pas de règle. Ah, je sais pas. Je dirais faux. Pour Astrée, c'est faux. Donc, elle n'est pas d'accord avec toi, cet esprit de contradiction. Je pense aussi que c'est vrai. Ah, Juliette est plus docile. Je rigole. Moi Marine? aussi, je dirais que c'est vrai. Ah, j'ai pas bien entendu la fin. Ah, Moi elle a dit, je aussi, je pense que dirais c'est vrai. que c'est vrai. Ok. Esther, salut Esther. Moi, j'aurais dit faux, je pense. Alors, D'accord. on a du vrai et du faux, on a un peu des deux. Exactement. Et qu'en pense Noëlla? Ouais, un maquillage tient moins bien sur une peau grasse, en fait. Le maquillage a tendance à transférer au bout de quelques heures. Donc, il faut à chaque fois repoudrer pour avoir un teint frais, parce que sinon, malheureusement, on se retrouve avec... La peau qui brille énormément. Ah oui. Eh bien, donc, en effet, Ça, bien joué, c'était vrai. Le tout problème, c'est qu'une peau de type grasse, elle va fabriquer, donc, on l'a dit, plus de sébum. Et du coup, souvent, les produits de maquillage vont être gras également. Et donc, gras sur gras, ça va un peu glisser, entre guillemets. C'est ça C'est qui ça. fait que ça va moins bien tenir. Donc, Parfait, parfait. Et tu l'avais, tu le C'est vrai que constates le secret, comme au disait quotidien. Noëlla, de Ouais. mettre, de poudrer un peu plus sur une peau grasse, c'est vrai que c'est une Ouais. solution. Oui, d'accord. Est-ce que c'est systématique du coup? Est-ce que la poudre est un incontournable pour une peau sèche? Tu vas quand même appliquer de la poudre ou pas du coup? Pour une peau sèche, pas spécialement, ça dépend du type de fond de teint que je vais utiliser. D'accord, je vois. D'accord. Ah ouais, ok. Par contre, Si pour une peau grasse. j'utilise un fond de teint gras, par exemple, sur une peau sèche, je vais avoir tendance quand même à le poudrer parce que c'est quelque chose qui est assez gras. Si Ouais. c'est sur une, si c'est sur, un fond de teint gras sur une peau grasse, je vais le poudrer à fond aussi. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, cinquième affirmation. Donc là, si je ne me trompe pas, on est à trois bonnes réponses. Le maquillage ne contient aucun conservateur. Vrai ou faux, Louis? Faux. Faux? Le maquillage Il en contient contient. beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ah, beaucoup conservateurs. même. D'accord. J'essaye de ne rien laisser paraître au ton que j'utilise. Donc pour toi, il y a plein de conservateurs. Ok. Est-ce que quelqu'un pense l'inverse, Je Juliette? dirais faux, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de conservateurs. Tu penses qu'il y en a beaucoup aussi, comme l'a dit Je Louis-Marine? pense aussi que c'est faux. D'accord. Astrée? Ah, faux, je suis sûre qu'il y a des choses. Bah, de toute façon, les conservateurs, c'est pour que ça périme pas très vite. Et ça périme pas très vite, donc je pense que c'est faux. Bien vu, Oh, je Esther. pense qu'il en contient plein. J'aurais dit faux, c'est évident qu'il y a des conservateurs dans le maquillage. Alors là, si je disais, ah non, il n'y a aucun conservateur, là, tout le monde serait effaré. Vous avez bien sûr Ah raison. bah oui, c'est sûr. Alors, pour rappel, un conservateur, c'est comme l'a dit Astrée, éventuellement, enfin, enfin, un des objectifs, pardon, c'est le fait que le produit tienne dans le temps. Et Ils tiennent sur un la des durée. autres, exactement. Et l'autre objectif, c'est d'éviter que des microbes, etc., ne prolifèrent dans le produit et que ça devienne un outil de contamination. Ça, c'est vraiment particulièrement le cas pour le maquillage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille d'éviter de partager un maquillage parce que on peut vite se transmettre Moi, une infection. par exemple, ouais, tout à fait. Moi, je suis Ouais. hyper vigilant, pardon, par rapport Oui. à ça. C'est-à-dire que dès que je fais des maquillages sur moi, j'utilise mes produits à moi, mais pour mes clientes, j'utilise des D'accord. produits. Par exemple, les mascaras, je prends des goupillons qui sont jetables. Pour les lèvres, Ah. pareil, des pinceaux jetables. Je fais Ouais. super, super attention à ça. Ça veut dire que le goupillon, tu peux plus le retremper. Après, tu dois C'est ça. éventuellement. Ah oui, donc C'est ça, oui, ça. Pareil ça crée. pour tout ce qui est rouge à lèvres, je vais utiliser des embouts qui sont jetables. Ah, d'accord. Ça ressemble à Pour quoi? pas avoir à replonger le. Bah, en fait, comme les petits goupillons de mascara, sauf que c'est Oui, un truc qui se met dans d'accord. les gloss, les rouges à lèvres, Ah etc. ouais, Et du coup, d'accord. j'utilise ça. Tout ça, c'est du matériel Ou sinon, professionnel, en j'utilise. fait. C'est ça, tout à fait. Et sinon, Oui. j'utilise des pinceaux à lèvres que je désinfecte, que je nettoie, que je passe sous l'ampoule UV, etc. Ah d'accord. Ah oui, ok. Ouais, c'est une Je vraie. rigole pas avec l'hygiène. Ah bah ouais, c'est sûr. Ce serait trop, bien sûr, trop dérangeant qu'une cliente ait. Je sais pas, moi, un des risques, c'est leur gelée, par exemple, au niveau des yeux. Ouais, ça, c'est C'est la une de mes cata. plus grandes hantises. Ça D'accord. m'est encore jamais arrivé, mais c'est une de mes plus Bah grandes tant hantises. mieux. Même des allergies, Ah bah oui. ça m'est encore Ah bah jamais oui. arrivé, mais comme Ah quoi un oui, petit ça peu c'est peur des vrai fois. que c'est un peu plus c'est un peu moins prévisible. Par contre, une allergie, ça C'est c'est ça, tu peux tout à pas fait. vraiment l'anticiper. Tu demandes avant à tes clientes si elles font Je demande, des bah oui, allergies. je demande si elles ont des types d'allergies particulières, si elles ont déjà fait des réactions à certains types de maquillage. D'accord. J'ai tout un petit listing de questions Questionnaire. à poser. Ouais, je vois. Voilà, tout à fait. Astrée veut Et j'ai une intervenir. question, est-ce que tu fais aussi des. Enfin, est-ce que parfois des clients te demandent des maquillages pour Halloween, par exemple, ou. Enfin, oui, Ah. Halloween. Tout à fait, Ouais, ouais, on une me soirée demande déguisée. régulièrement. Tout à fait. Tout ce qui est maquillage de soirée, Halloween, même les thèmes de la Saint-Valentin, c'est des choses qui sont quand même énormément demandées. Ah, les thèmes de la Saint-Valentin, alors qu'est-ce que ça va être? Bon, ça va être des petits cœurs sur les yeux, D'accord. ou sinon un liner avec un cœur au bout à la fin, D'accord. ou Ah sinon ouais, des ok. maquillages très roses. Ouais, d'accord. C'est un des moments où tu es le plus sollicité finalement, Voilà, tout, la en fait, tout ce qui va être Saint-Valentin. événement, même ce qui va être fête des mères, Ah, Noël, ce qui va être ouais, Nouvel bah oui. An, Oui, dès que les gens se les rassemblent, quoi, événements. finalement. Voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, nous passons à la sixième affirmation. Côté innovation, récemment, une imprimante a été inventée pour créer du fard à paupières, mais de la teinte parfaite pour notre carnation, etc. Vrai ou faux? Vrai. Tu Vrai, es. Tu j'en ai médites des entendu sources parler. sûres? D'accord. Ouais. Est-ce que vous aussi, chers auditeurs, vous avez entendu parler de cette innovation un peu folle C'est plus d'avoir une exactement imprimante chez soi? quelle marque qui fait ça. Ah, c'est chez soi. Ah non, moi c'est un truc que j'avais vu où tu pouvais aller en boutique, te faire D'accord. scanner la peau et en gros, il te produisait le fond de teint de ta carnation. Ah oui, d'accord. Qu'en pense Astrée? Je pense que c'est vrai aussi. Et Mais après, si si c'est une ça. machine qu'on a chez nous, Ouais. je me dis que ça peut être faux. Alors, bon, en tout cas, c'est vrai, en Je vais effet. dire vrai quand même. Bien joué. Bien joué. C'est vrai, en effet. Moi, ce que. Oui, pour moi, là, c'était. Enfin, l'innovation concernait une imprimante qu'on pouvait peut-être obtenir chez soi. C'est un appareil qui pèse 900 grammes et du coup qui tient dans un sac, quoi. Donc, peut-être qu'une D'accord, ah, c'est autre génial. marque, par contre. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Je ne sais pas quel est le prix, en revanche. Ça s'appelle À mon le avis, ça doit être très Digi. Ouais. cher. Ouais, c'est pour l'instant, en tout cas, avant que ça se vulgarise. Ça s'appelle le Digital Makeup Pen. C'est développé par la marque Mink. Je ne sais pas si tu as déjà Ah, entendu d'accord. cette marque-là. Oui, je Moi, connais je très bien cette connaissais marque, pas. ouais. D'accord. Et du coup, voilà, c'est un stylo qui est relié à une application mobile et qui capte les couleurs et ensuite les recrée sous forme de maquillage en prélevant la bonne dose de pigments à mélanger, etc. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être sympa. Il me semble qu'il y a une autre marque qui faisait ça quand D'accord, mais c'était en dans des boutique. Sephora. Ah Voilà, ouais, tout à d'accord. fait. Plus en expérience magasin pour attirer les Voilà. consommateurs, etc. D'accord. Astrée? J'ai pas compris exactement en quoi consistait l'appareil, enfin à quoi ça sert concrètement. Du coup, tu vas choisir avec une photo, je pense, sur l'application. Tu vas mettre une photo de toi et tu vas choisir la couleur exacte de ton fard à paupières, parce que peut-être que Louis peut nous en parler, mais en général, les couleurs, c'est très important selon la couleur de peau, la couleur d'yeux, Tout à etc. fait, Non, il y a tout à tout un travail. fait. Ouais. Il y a Donc, ce du qu'on coup. appelle la colorimétrie, justement. Oui, d'accord. Ok. De Et savoir. justement là pour s'adapter. Ouais, d'accord. Et à mettre le plus en avant la couleur des yeux, par exemple, de la personne maquillée, quoi. Tout à fait. Et du coup, avec cette application mobile, Astrée, bah, tu peux ensuite imprimer le fard à paupières qui est dans la bonne teinte et qui, du coup, va faire relever tes yeux parfaitement, quoi. Une autre, pour info, une autre innovation qui est travaillée, ce serait tout ce qui est pigments encapsulés pour notamment les fonds de teint. Le principe, ce serait que les pigments colorants, la peau soit placée à l'intérieur de microcapsules et au moment d'être appliquée au pinceau, les capsules vont un peu vont éclater et laisser une première couche de couleur sur la peau. Et en fait, ça va permettre de tenir plus longtemps parce qu'après, avec l'action des UV, notamment au cours de la journée, il y aura d'autres pigments qui seront révélés lorsque les autres capsules exploseront. Voilà pour info des innovations assez folles, on peut dire, qui existent en maquillage. On Je passe. connaissais pas du tout ce principe de capsule, mais Ouais, ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. On passe à notre septième affirmation. Alors, la poudre libre pour maquiller le teint peut contenir du talc. Vrai ou faux, Louis? vrai, vrai, Vrai. vrai, vrai, beaucoup trop Le souvent d'ailleurs. talc. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est. Quel Bah, est le souci? le talc, ça fait pas du bien forcément à la peau, parce que Ouais, ça bouche les c'est pores, c'est comédogène. asséchant. Ah, c'est C'est comédogène aussi. asséchant et comédogène. D'accord. Est-ce que nos auditeurs sont inspirés par cette question-ci? On va leur laisser encore quelques secondes. Et ça, tout ce qui est composition, tu y fais de plus en plus attention. C'est un thème dont on parle de plus en plus. Est-ce qu'en maquillage, c'est compliqué d'avoir notamment des produits un peu clean, etc.? J'ai pas entendu ta question. Excuse-moi, ça a bugué un peu. En fait, en ce moment, on parle de plus en plus de tout ce qui est formulation, du fait d'avoir des Oui. compositions clean, respectueuses de l'environnement, etc. Est-ce qu'en maquillage, tu sens que c'est un peu plus compliqué de trouver Alors, des j'ai de formulations plus en plus sympas? de demandes. Là, je suis en train de faire mon restock de fonds de Ouais. teint et de matériel en ce moment. Et c'est vrai que Ouais. c'est une demande assez récurrente de clientèle d'avoir des compos plutôt clean, ne serait-ce que pour les maquillages, pour le teint, etc. Et pas forcément le Oui. fard à paupières, parce que c'est des choses qu'elles enlèvent, etc. Mais vraiment Oui. des choses sur le teint, ça va être une demande qui est de plus en plus forte d'avoir des choses pas forcément bio, mais qui ont une Oui. composition beaucoup plus saine, entre guillemets. D'accord. C'est plus en général pour leur peau, hein, c'est ça, pour leur santé C'est ça, tout à fait. qu'elles Tout à s'inquiètent. fait. Et donc les fonds de teint, évidemment, comme c'est appliqué tous les jours théoriquement, c'est d'autant plus gênant, quoi, c'est ça. D'accord. Alors, bah, je vois que le talc, ça n'a pas trop inspiré. Bah, bien joué, Louis. C'est en effet, il y a bien du talc régulièrement dans les fonds de teint. L'objectif de la poudre libre, c'est de fixer le fond de teint, d'éviter que la peau ne brille une fois le fond de teint appliqué. Et avec la sueur et le sébum sécrété, c'est tout l'enjeu. Du coup, pour absorber ce sébum ou la sueur, on va utiliser des ingrédients absorbants comme le talc. Mais pour une peau sèche, ça peut aggraver sa carence en lipides, du coup, le C'est fait ça, que le tout à fait, sébum soit ouais. absorbé. Donc, c'est mieux si vous avez la peau sèche de chercher enfin, éventuellement une poudre qui n'aurait pas de talc. Mais tu l'as dit, c'est assez compliqué, du coup. Ouais, C'est et moi, en souvent. général, ce que je conseille justement pour les peaux sèches, c'est plutôt des poudres un petit peu teintées, mais plutôt des poudres minérales en général. D'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, nous passons à notre huitième affirmation. Elle va concerner le maquillage permanent. Légalement, il n'y a Ah. pas d'obligation de suivre une formation diplômante pour proposer du maquillage permanent. Vrai ou faux, Louis, selon toi? Vrai. C'est vrai. Pour toi, il n'y a pas d'obligation de suivre une formation diplômante pour proposer du maquillage permanent. Est-ce que Non, il n'y a pas. Ouais, c'est comme quelqu'un... le tatouage, il n'y a pas vraiment de législation. C'est encore un univers qui est assez flou, Un peu flou. l'univers du maquillage permanent. D'accord. Salut, Monsieur Prince. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, comment ça va? La forme, la pêche, le swag, c'est parti pour la folie, c'est parti! On parle de quoi ici en fait? Salut, Monsieur Prince. Merci de t'intéresser à nos thèmes. Nous, on parle du maquillage et en l'occurrence de l'activité de make-up artiste de mon invité Louis ce soir. Donc là, on s'intéressait au fait. maquillage permanent. Est-ce que, selon toi, Monsieur Prince, est-ce que légalement, il n'y a pas d'obligation de suivre une formation diplômante pour proposer du maquillage permanent? Donc, en effet, le maquillage permanent, c'est tout ce qui est remplissage, par exemple, des sourcils, Voilà, c'est tout ce qui est microblading. tatouage. Voilà, tout à fait. Ça va aussi être Il de y a aussi la les lèvres. dermopigmentation. Ouais. Et du coup, bon, je vais révéler, en effet, tu as raison, il n'y a pas du tout, pour le moment, d'obligation de suivre une formation diplômante. La seule obligation, c'est une formation d'hygiène qui dure 3 jours. Ça, C'est c'est ça, tout à fait. obligatoire par la loi. Mais en tant que client, C'est du ça. Bah, coup, en fait, c'est la même formation d'hygiène que pour les tatouages. d'accord. Ah oui. OK. Mais Là, je rien me de suis plus. renseigné parce que Ouais. je voudrais en plus dans le développement de mon activité faire aussi Oui. du microblading et aussi de Ah, l'extension de teint. d'accord. D'accord. Ah ouais, bah, là, tu veux vraiment être complet. Et du Ouais, je coup, veux vraiment avoir le panel complet. ouais, je vois ça. Et du coup, quel genre de formation tu voudrais suivre dans ces cas-là? Alors moi j'ai là déjà par exemple pour ma formation de prothésiste angulaire, j'ai été dans une école privée. Parce D'accord. que c'est un peu la même chose pour les prothèses angulaires. On n'a pas vraiment de législation. C'est pas un métier qui est reconnu par l'État. Donc, D'accord. c'est vraiment des formations à droite, à gauche, soit à faire dans des écoles d'esthétique, soit à faire Ouais. auprès de professionnels déjà formés, ou Ah sinon oui. auprès de marques, ça c'est également. D'accord, je vois. Ok. Alors, Monsieur Prince. Je suis en train de réfléchir pour répondre, pas que je dise une connerie. Bon, bah, t'as dû On a entendre déjà répondu. la, voilà, c'est ça. T'as dû entendre la réponse entre-temps, Monsieur Prince. En effet, il n'y a pas, en fait, d'obligation légalement, malheureusement. Donc, petit conseil, du coup, sachez que ce n'est pas autorisé de pratiquer du maquillage semi-permanent à domicile. Donc, si jamais vous voyez une Non, offre très intéressante qui vous propose ça, c'est plutôt à fuir. Eh bien, du ouais. coup, ça nous donne une bonne note, tout ça, hein, un 7 sur 8. Très beau, Ah, très beau. super. Bah ouais, bien joué. Et si vous voulez en Au top. savoir plus sur ces sujets, je vous conseille de regarder, bon, le compte de Louis, bien sûr, hein, on l'a dit, Instagram, Parisian World, avec ses belles créations. Il y a aussi le magazine des nouvelles esthétiques que j'ai trouvé intéressant pour ce sujet et le site omagazine.fr, Monsieur Prince. Non, il n'y a pas. C'est pas obligé d'avoir une information, mais je trouve qu'avoir un maquillage permanent, je préfère avoir une fille qui soit nature. Qu'elle peut au moins enlever son maquillage. L'avoir tous les jours avec son maquillage, même en dormant, non. Ah, Non, d'accord. merci. Ah, d'accord. Là, tu parles de ta vision du maquillage féminin. Pour toi, il faudrait, tu préfères qu'une fille puisse retirer son maquillage, être au naturel, entre guillemets. T'aimes pas trop l'idée. D'accord, bah écoute, c'est un choix. Après, ça, c'était un thème qu'on avait abordé la semaine dernière avec mon invitée Camille. On avait parlé justement du maquillage et de la pression sociale. Et on s'était dit aussi que le maquillage, parfois, ça peut aider à surpasser des complexes. Et dans ce cas-là, C'est c'est peut-être un peu un comme bon pour point. moi, c'est un peu comme la chirurgie esthétique, sauf que le maquillage, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Oui, Mais oui. ça s'apparente à de la chirurgie esthétique. Hein. Pour certains maquillages, quand je vois les Ah oui. transformations que moi, par exemple, que je peux faire ou que d'autres collègues Oui. maquilleurs ont déjà fait, il y a des choses qui sont quand même très impressionnantes et c'est vrai que on peut modifier complètement l'apparence d'un visage Ah bah ouais, rien qu'avec du maquillage. oui. Donc tu veux dire en termes d'approche, enfin psychologiquement, si on se maquille tous les C'est jours ça. en étant transformé complètement, c'est on a un peu la même approche que si on allait faire de la chirurgie esthétique, quoi. Voilà, Ouais. tout à fait. Avec cette nuance de pouvoir quand même revenir à du naturel, c'est quand même un Voilà, peu de pouvoir revenir plus quand même en arrière rassurant. en enlevant le C'est ça. maquillage. Est-ce Tout que à Monsieur fait. Prince veut ajouter à ce Après, grand débat? j'ai eu une ex qui a eu du maquillage permanent et Ah oui? je sais même pas comment j'ai fait pour rester Ah bon, longtemps avec elle. carrément. Bah, elle devait avoir d'autres qualités. Quand Il même. n'y a peut-être pas que l'apparence qui a compté dans cette relation, Monsieur Prince. Exactement. Eh bien, c'est bientôt la fin de notre live stéréo, beauté imaginée. Chers auditeurs, si vous avez des dernières questions ou interventions à faire, c'est le moment. Louis, pour finir, moi j'ai ma N'hésitez pas. question, c'est ça. J'ai ma question pour ma prochaine minute scientifique. Est-ce que tu aurais peut-être un mécanisme de cosmétique ou voilà, un type de produit que tu aimerais que j'explique la prochaine fois, pourquoi pas, ou une réaction de la peau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Les ultrasons sur la peau. Quelles Ah. sont les techniques et qu'est-ce qui peut se développer avec ça? Parce que je sais que c'est utilisé en institut régulièrement pour D'accord. notamment des problèmes d'acné, mais D'accord. j'aurais aimé en Ah savoir bah, plus. alors là, tu tombes à pic parce que figure-toi que le prochain thème, c'est l'acné, justement, avec Laurie mercredi. Ah, Donc, parfait. parfait. Les ultrasons, savoir un peu comment ça fonctionne, c'est ça? Et Voilà, tout à dans fait. Parce quel... que je sais qu'il existe des traitements dans les instituts avec des ultrasons ou avec des lumières bleues utilisées spécifiquement sur les zones à boutons et à problèmes. Ah oui, d'accord. OK. D'accord. Avec plaisir, Monsieur Prince. Ouais, c'était ça. Je suis resté longtemps avec elle parce que je l'aimais. Bah, c'est beau. C'est peut-être pour ça que tu t'appelles Monsieur Prince. Tu dois être respectueux, j'ose espérer. L'amour, il fait tout oublier. Même le Eh oui. maquillage permanent. Eh ouais, c'est ça. Mec, j'ai vu ton Instagram, t'es de toute beauté, putain, tu sais faire du maquillage. Eh bah oui. Et ouais, merci d'être allé regarder ça. Merci. Ouais, c'est un vrai talent, hein, et une sacrée détermination vu le temps que ça peut prendre. C'est Ouais, ça. Après, ça bravo, fait pas mal bravo. d'années que j'exerce aussi. Bah oui, c'est sûr, ouais. Et on a Alexandre qui Louis, nous je crois a mis. que t'as une touche avec le monsieur. J'avoue. Ouais. C'est ça. Eh bien, du coup, c'est tout pour aujourd'hui déjà sur Beauté Imaginée. Merci beaucoup, Louis, Parfait. Parisian World, de m'avoir accompagné et répondu. C'était vraiment, vraiment C'était sympa. avec un grand plaisir. Trop cool. Et ben, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et d'avoir imaginé mon bel invité. Et si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée, pourquoi pas, à poser à mon invité, n'hésitez pas à me la proposer. Si vous voulez un soir être mon invité, pareil, faites-moi signe. Mon Instagram, c'est Beauté Imaginée avec le tiré du 8 entre les deux mots et sans accent. On va écouter Monsieur Prince, très Je suis actif ce seulement soir. gentil et sympa. Bah oui. Et voilà, c'est tout. C'est comme Ne ça, m'en doutons d'accord. pas. T'as raison, c'est ce qu'il faut dans ce monde difficile. Du coup, Ton on se. Ah, on a. Ah, et bah décidément. Instagram, c'est beauté. Un maximum de beauté, c'est parti pour un maximum de sensations, Tu es inspiré c'est ce parti. soir, Monsieur Prince. Je vois qu'on t'a beaucoup inspiré. Tu es arrivé en fin de live, mais tu avais Exactement. beaucoup de choses à dire. Bon, bah, pour ma part, on se retrouve mercredi prochain à 20h45 Très avec ma bien, prochaine bah belle à invitée, mercredi Laurie. alors. À mercredi pour parler d'acné. À bientôt pour un prochain live sur À Stéréo de bientôt. Beauté Imaginée. Merci, Louis. Au revoir, tout le monde. Une bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.